الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نواصل بإذن الله عز وجل مع قول الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس. نكمل إن شاء الله تعالى à partir du verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. C'était là où on était arrivé lors du dernier cours. Donc tu prends, inshallah wa ta'ala, Younes. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Et ne détourne pas ton visage des hommes, ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas les présomptueux pleins de glorieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah Azza wa Jal dit: وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Donc ici, il dit: ne détourne pas ton visage des hommes. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Ikrima ibn Abbas radiallahu anhu an abi. Et ici, d'autres parmi les Sahaba radiallahu anhu ardahum et tabi'in. Ici, ils ont rappelé que le fait de détourner son visage des hommes, c'était le fait de s'enorgueillir jusqu'à détourner son visage d'eux quand il s'adresse à eux. C'est-à-dire, tu parles avec une personne, et au lieu de le regarder avec respect, d'accord, quand tu lui parles, ici, tu détournes ton visage, et tu ne veux pas les regarder quand tu leur parles, ici, poussé par Al-Kibr, wal-ayyadu billah. وهذا من قلة الأدب أن يتحدث مع أن يتحدث الإنسان مع إنسان أو مع شخص ولا ينظر إلى وجهه ويقول عليه الصلاة والسلام: ولا تحقرن شيئا أو ولا تحقر شيئا ولا تحقرن شيئا من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق. ici le prophète عليه الصلاة والسلام, ou comme قال عليه الصلاة والسلام, il dit ici dans plusieurs récits prophétiques qui vont dans le même sens de ces paroles-là, ici du prophète عليه الصلاة والسلام: ne néglige aucune bonne action. Ici, même le fait de rencontrer ton frère avec un visage détendu. D'accord? Donc ici, ça nous rappelle que le musulman doit toujours avoir en face de son frère musulman un visage détendu. Et le fait de se détourner pendant que tu parles avec ton frère, ici, ça, c'est une preuve que non seulement tu n'as pas un visage détendu, mais tu as un comportement d'orgueilleux, alors qu'Allah, il dit: وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Et ça, c'est un comportement, malheureusement, qu'on voit chez beaucoup de frères et sœurs. À titre d'exemple, un frère va parler avec son frère, il va commencer la conversation avec lui, d'accord? Même s'il ne le fait pas poussé par orgueil, on va dire plutôt, il va le faire simplement parce qu'il n'est pas attentif à ce que dit son frère, d'accord? Ou il pense à autre chose, ou une autre personne l'interpelle. C'est moins grave que s'il le faisait à cause de l'orgueil. Voilà, c'est un manque de respect. Et ici, nous lui disons, ne ressemble pas à ceux qui le font poussé par leur orgueil. Comme Allah parle d'eux dans le Coran quand il dit: وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. Ne détourne pas ton visage, d'accord, des gens. Donc là, il parle bien sûr de ceux qui le font poussés par leur orgueil, poussés par le fait qu'ils soient imbus de leur propre personne. Donc on va parler de Al-Mukhtal et Al-Fakhour par la suite de Bi'idnillah Azza wa Jal. Donc nous disons, la personne quand elle parle avec toi, même si elle ne fait pas pousser par orgueil, mais parce que quelqu'un d'autre lui parle, ou alors on lui dit: ah, tiens mon frère, ou alors il pense à autre chose, et il détourne son visage, ça c'est un manque de respect. Quand tu parles avec une personne, tant que la conversation n'est pas terminée, tu restes avec lui, et tu le regardes ici avec modestie, ou tu baisses ton visage par respect, mais tu détournes pas ton visage de lui. D'accord, ça c'est un manque de respect. Et nous, dans le, on va dire comment ça, est-ce qu'on peut dire ça dans le jargon? D'accord, dans le jargon, car on appelle ça le mettre un peu dans comment on dit ça? Dans le vent. D'accord, et ça fait même les gens en rigolant ou les jeunes, ils disent: tiens, il t'a mis dans le vent. Donc pour montrer que ça c'est un manque de respect. Même ils ont compris ça. Pourquoi? Tu parles avec lui, oh, il te laisse parler dans le vent. D'accord? Ou alors il te regarde même plus, il passe à autre chose. Et il y en a qui le font quelquefois parce que simplement ils ont beaucoup la tête ailleurs. Et d'autres le font, ce n'est pas par orgueil, mais c'est par manque de respect. Bien que le faire par orgueil, c'est un manque de respect, mais là, c'est par manque de respect, mais pas accompagné de l'orgueil. Simplement parce que il a un manque d'éducation, et quand il voit une autre personne qui lui parle, khlas, il le laisse, ici dans le ventre, mais ça c'est un manque de respect. Si Allah Azzawajal nous interdit de le faire, poussé par l'orgueil, et même en islam, même si c'est pas poussé par l'orgueil, c'est que ceci, soyez sûr et certain que ça peut porter préjudice à la personne avec qui vous parlez. Et ici, ça c'est un manque de bon comportement. Et si tu veux être aimé des gens, tu dois avoir un bon comportement. D'accord? Et là, il y aura une déficience automatique dans ton comportement. Et n'oubliez pas la parole du prophète alayhi salatu wa salam, ma min shay'in athqal fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah min husn al-khuluq. Il n'y a rien de plus lourd dans la balance du croyant au jour de la résurrection que le bon comportement, la bonne moralité. Fa wa rabbil ka'ba. Tu peux avoir des tonnes de sciences. Tu peux connaître des milliers de hadiths. Tu peux connaître des milliers de versets coraniques. Voilà que tu as un mauvais comportement, tu seras détesté par les gens. Et tu peux connaître très peu de la religion. Et tu peux connaître très peu de versets coraniques, très peu de hadith, avoir très peu de science. Mais le peu que tu as, tu le mets en application et tu t'efforces à avoir un bon comportement, tu seras aimé par les gens. Et ici, le prophète, on a déjà cité le hadith, si mes souvenirs sont bons, c'était lors du dernier cours de tafsir. On avait dit que les meilleurs des compagnons auprès d'Allah Azza wa Jal, d'accord, ça sera les meilleurs qui ont été les meilleurs des compagnons avec qui? Avec leurs compagnons. Et les meilleurs des voisins auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça sera les meilleurs des voisins avec leurs voisins. Allez, subhanallah. Les meilleurs des compagnons auprès d'Allah Azza wa Jal, ça sera les meilleurs des compagnons avec leurs compagnons. Regardez, la alaqa qui est extrêmement importante ici entre nous. Et ici, Allah Azza wa Jal, il montre que si tu veux être auprès d'Allah Azza wa Jal et faire partie des meilleurs des compagnons auprès d'Allah, tu te dois d'être parmi les meilleurs des compagnons avec tes compagnons. Donc on n'oublie pas ici cette relation qu'il y a entre nous. Donc ici, il y a la relation avec Allah direct, et s'il y a cette relation avec les gens, qui sera la cause qu'Allah Azza wa Jal nous aimera. Et on avait cité le long hadith de Jibril alayhi salam, quand il dit au paradis, Allah Azza wa Jal, ya Jibril, j'aime un tel, aime-le. Et ici Jibril l'aime, et il dit Allah aime un tel, et les anges l'aiment, et Allah descend l'amour dans le cœur des gens envers cette personne. D'accord? Donc on dit, si tu ne veux pas, d'accord, te faire détester par les gens, ici utilise et fais attention, d'accord, quant au fait d'avoir un bon comportement et une bonne moralité avec les gens. Wallah, et combien de gens ici ne comprennent pas? Ils se disent, je sais pas pourquoi les gens m'aiment pas. Je sais pas pourquoi les gens me fuient. Je sais pas pourquoi, mais quand ils regardent dans les détails, d'accord, il va se rendre compte qu'il a beaucoup de déficiences dans le comportement. D'accord? Même s'il a pas de déficiences ou pas de grosses déficiences dans la science, mais dans le comportement, dans l'application. Si tu veux te faire aimer, ya Abdallah, par les gens, et ceci est une cause que tu te feras aimer par Allah et Jalla wa Ala, ici, et ça c'est une, ou plutôt un signe, qu'Allah Azza wa Jalla t'aime, ici, ya Abdallah, essaye d'avoir le meilleur des comportements possibles avec les gens. Wa la tusa'ir khaddaka linnas. Donc Allah Azza wa Jalla, il nous interdit. Ne détourne pas ton visage des gens, d'accord, poussé par l'orgueil ou autre. À partir du moment où quelqu'un te parle, par respect, tu restes devant lui, tu détournes pas ton visage de lui, soit tu le regardes dans les yeux, ou soit quand tu vois que c'est mieux, min bab al-ihtiram, par exemple dans certaines situations comme avec tes parents, etc., de baisser le regard, fais-le, voilà qu'il ne te détourne pas, ne détourne pas ton visage des gens, ceci est strictement interdit. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas. Ensuite Allah Azza wa Jalla dit, wala tamshi fil ardi maraha. Ici Allah Azza wa Jalla, non seulement il t'interdit de tourner ton visage. Et ici, il continue encore dans le bon comportement. D'accord? Ça, c'est des moyens par lesquels tu te feras aimer par Allah et par les gens. D'accord? Par Allah et par les gens. Suis bien. Tu verras. Ici, si déjà tu parles avec des gens, jamais tu détournes ton visage, sois sûr que tu es sur le chemin, d'accord, du bon comportement. Ça, c'est clair et net. Et tu as évité un moyen qui te fera détester des gens. Et que les gens ici se détourne de toi. Kama tadinu tudan. Comme tu fais, on te fera. Tu détournes ton visage des gens, sache que ces gens vont se détourner de toi. Et Allah Azza wa Jalla, quand il parle du prophète alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il dit? Fabima rahmatin min Allahi lintalahum. C'est par quelques miséricordes de la part d'Allah Azza wa Jalla que tu as été aussi doux avec eux. Walau kunta faddan ghalid al-qalb lan faddu min hawli. Si tu avais été rude au cœur dur, il se serait enfuit de toi. D'accord? Enfuit de toi. Et le fait de détourner son visage des gens, ça c'est un signe parmi les signes de la dureté, de la rudesse de la personne. Non. Quand quelqu'un te parle, tu restes en face de lui. Il y a des cas où, bien sûr, Il faut se détourner des gens. Attention, on avait déjà expliqué ça lors du dernier cours. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَمْ. Quand ils rencontrent un ignorant, ils parlent avec un ignorant. Ici, ils disent quoi? Salam, ils se détournent. Quelquefois, tu dois te détourner. Mais là, je parle du fait que tu as la personne en face de toi et que quand il te parle, ici, tu n'as pas de raison valable de te détourner de lui. Et attention de dire, oui, moi, je me suis détourné de Foulen parce que je sais que j'avais une raison valable de me détourner. Et les gens suivent leur passion. C'est quoi ta raison? Je sais pas, je n'aime pas. Non, c'est pas une raison, ya Abdallah. Il faut qu'il y ait vraiment une raison. C'est-à-dire le fait que, par exemple, la personne, elle parle et elle dise des obscénités, elle dise des grossièretés et elle insulte et tu lui donnes une nasiha, un conseil, un nasaih, des conseils, il veut pas se réformer. Khlas, wa idha khatabahum al-jahilun aqalu salam. Ça, c'est des cas, d'accord, qui peuvent arriver. Mais en général, non. En général, tu restes en face de la personne et tu manques pas de respect envers la personne. Après Allah, il dit, wa la tamshi fil ardi maraha. C'est-à-dire, non seulement tu détournes pas ton visage, mais même quand tu n'as personne en face de toi, tu marches, il parle même de ta démarche, Allah Azza wa Jal, il dit, et ne foule pas la terre avec arrogance. Ne foule pas la terre avec arrogance. Wa la tamshi fil ardi maraha. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, ici, il rappelle que le fait de marcher sur la terre comme il se doit, d'accord, c'est aussi le fait ici de marcher avec un juste milieu, c'est-à-dire ne pas marcher trop rapidement et ne pas marcher trop doucement, mais un juste milieu, d'accord, comme Allah Azza wa Jal, il en parle de la marche ici par la suite et on verra bi'idnillah Azza wa Jal. Allah il dit wa la tusa'ir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi naraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Donc ici, non seulement tu dois pas oublier que ici tu es quelqu'un de faible, d'accord, mais tu ne dois pas oublier que al-ard Abdullah, la terre, c'est la terre d'Allah et la terre sur laquelle tu marches, elle témoignera pour ou contre toi au jour de la résurrection, d'accord. Et Allah Azza wa Jalla dit aussi wala tusa fa'innaka la tafriqa al-ard fa'innaka la lan tafriqa al-ard walan tablugha al-jibal tula. Dans un autre verset coranique, Allah Azza wa Jalla dit tu ne pourras pas fendre la terre et ni atteindre les montagnes, d'accord. Quand il parle aussi de des gens qui marchent avec orgueil, avec arrogance, donc il te rappelle que tu dois marcher avec modestie, d'accord, marche avec modestie, d'accord. Et plus tu vas avoir ce comportement modeste et plus tu seras aimé par Allah et par les gens aussi. Ça, c'est quelque chose de connu. Quand une personne a beaucoup de science et qu'il utilise sa science pour s'enorgueillir devant les gens, c'est-à-dire dès qu'il parle avec quelqu'un qui a moins de science, il commence à dire moi je connais, toi tu ne connais pas. Est-ce que la personne qui ne connaît pas, est-ce que ici il aura plaisir de parler avec lui, ou à chaque fois qu'il le verra il voudra fuir, soit parce qu'il le détestera, il détestera son comportement, ou bien parce qu'il aura honte, oui ou non? Oui, il aura honte, il va dire à chaque fois il me fait honte. Mais la personne qui a beaucoup de science, par exemple, je donne un titre d'exemple, hein, qui a beaucoup de science, mais qui quand il est avec la personne qui est jahil, qui est ignorante, qui a beaucoup de déficiences, mais qui ne le rabaisse jamais, wallah, même le plus grand des ignorants, ici, aimera parler avec lui. Parce qu'il va dire, il ne me rabaisse jamais, je me sens bien avec lui, je me sens à l'aise avec lui. Donc il y aura l'ignorant qui sera à l'aise avec lui, et il y aura aussi les gens de science qui seront à l'aise avec lui aussi. Pourquoi? Parce qu'il a ce qu'on appelle at-tawadu', ce qu'avait le prophète alayhi salatu wa salam, la modestie. Et plus tu as de la modestie, plus tu vas être aimé par les gens. Et la preuve de cela, le prophète alayhi salam dit comme ja'a fi sahih muslim man tawada'a lillah rafa'a. Ici, fi dunya wa fil akhirah, celui qui se rabaisse, il agit avec humilité, modestie envers les gens, Allah va l'élever dans le delà et ici-bas, c'est-à-dire avec les gens. Devant les gens, wallah, et plus tu vas te rabaisser, fils abilillah, plus Allah te rajoutera ici de l'importance et de la notoriété. Parce que tu l'as mérité. Et plus ici tu vas t'enfler d'orgueil, et tu vas t'enorgueillir devant les gens, moi je, moi je, moi je. Et ici tu veux rabaisser les gens avec fierté, avec arrogance, en disant ça, ça vient de moi. D'accord? Comme l'ont dit certains qui ont précédé et qui se sont fait anéantir, engloutir par la terre, à titre d'exemple. Qarun, qui disait, hada minni, et ça c'est interdit de dire, l'argent c'est de moi, la maison c'est moi, ça c'est de moi. Toi tu as acquis quoi de ta propre volonté et de ton propre pouvoir? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu? Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. N'oublie jamais ça. Donc ici tu ne peux vouloir que si Allah veut. Donc dis pas ça c'est de moi. Hada min fadlillah, hada min Allah azza wa jalla. Et ça c'est une preuve de tawadu, de modestie. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Allah il a dit, quant à ton bienfait, proclamé. Mais de quelle manière? Quelqu'un va dire, ah, Allah, il a dit de le proclamer. Donc, moi, j'ai eu ça. Mais il y a une manière. On n'utilise pas qu'un verset coranique. Et on n'utilise pas qu'un texte prophétique. On y réunit les textes coraniques et prophétiques et on en déduit que non seulement on doit proclamer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, mais avec modestie. Et en disant, ceci vient d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Ça, c'est un juste milieu à adopter quand on parle avec les gens et on proclame, bien sûr, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا. Pour quelle raison? إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Pour quelle raison tu ne dois pas marcher avec arrogance, te détourner des gens, car Allah déteste ça. Et Allah Azza wa Jalla, il rappelle que ces gens-là sont qui ces gens-là exactement? Regarde, Allah il dit إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ أَيْ هَؤُلَا. Donc c'est-à-dire ces personnes-là. Et il cite leurs caractéristiques ou par quoi on peut les définir. Allah Azza wa Jal, il les appelle « Inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur » Al-muhtal, c'est le présomptueux. Al-muhtal, c'est le présomptueux, un but de sa personne. C'est-à-dire un but de sa personne, c'est celui qui se prend quelque part pour le centre du monde. C'est la personne un but d'elle-même, c'est la personne qui, yani, pense toujours qu'elle est supérieure. D'accord? Dans son fort intérieur, tout le temps, ana afdal min haoula, ana afdal min fulan, ana khayr min hada, ana. Moi, tout le temps, lui, il pense dans son fort intérieur. Et le pire, il est persuadé, hein, qu'il est meilleur que tout le monde ou bien que la majeure partie des gens. Il est trop sûr de lui. Allah Azza wa Jal, il dit, attention, inna Allah la yuhibbu, Allah n'aime pas ces gens-là. Kulla muhtalin fakhur, al-muhtal, c'est-à-dire le prétentieux. La personne imbue de sa personne, Allah ne les aime pas. Donc si Allah ne l'aime pas, et le prophète il dit, من تواضع لله رفع, celui qui se rabaisse pour Allah, Allah va l'élever, quel est le devenir de la personne qui est présomptueuse? Donc on en déduit par analogie, celui qui s'élève par orgueil, Allah va le rabaisser. Allah va le rabaisser. Ça c'est clair. Allah va le rabaisser. Plus toi, tu vas vouloir satisfaire Allah Azza wa Jal, te rabaisser, prendre sur toi, comme le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une personne qui est touchée par une oppression et qui patiente quant à cette oppression, à ce dhulm, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui fait Allah azza wa jal? Sans qu'Allah azza wa jal lui rajoute de la force, de la notoriété, de la gloire, al-izza, de la gloire. Ici, de la fierté. Plus la personne, on va l'opprimer, plus elle va patienter. Lillah. Alors c'est pas parce que, par faiblesse, non. Fi sabilillah. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam dit, et plus Allah va lui rajouter ici de la fierté et va lui rajouter de la gloire, de la notoriété. Allah va l'élever quelque part. Plus tu patientes et plus Allah va t'élever. Et la preuve de cela, on regarde l'histoire de qui? Du prophète alayhi salatu wasalam, qui a été plus ici maltraité, opprimé et qui a reçu plus d'épreuves, que ce soit dans sa famille, dans son honneur ou autre, que le prophète alayhi salatu wasalam. Qui a le plus de notoriété au jour d'aujourd'hui parmi les prophètes et les envoyés auprès d'Allah Azza wa Jal et auprès de la meilleure des communautés, la communauté de l'islam, c'est qui? Mohammed alayhi salatu wasalam. Les plus grands des rois musulmans, les plus grands des riches musulmans, les plus grands des puissants musulmans, quand ils disent, ils entendent Mohammed, ils disent alayhi salatu wasalam. Et même eux, bien qu'ils soient loin de la religion, ça serait un rêve pour eux que de rencontrer, ne serait-ce que une minute, le prophète alayhi salatu wasalam, c'est vrai ou pas? C'est la vérité. Celui qui a un minimum de iman, wallahi, ça serait un rêve. Mais ici, cet amour, ayyuhal ahibba, ce n'est pas simplement en disant je veux voir le prophète alayhi salatu wasalam. Fa fi sahihain, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit, inna min ashaddi ummatin hubban li, ici, rajulun yatamanna an yarani bi ahlihi wa mali. Le prophète alayhi salatu wasalam, dit dans sahihain, les gens de ma communauté qui ont le plus grand amour envers moi, c'est qui? Ceux qui ont le plus grand amour, vraiment, les plus sincères dans leur amour envers le prophète alayhi salatu wasalam de sa communauté, c'est celui ici qui aimerait, qui rêverait ici, qui voudrait voir le prophète alayhi salatu wasalam bi ahlihi wa mali. Imagine-toi. C'est-à-dire avec ses biens et sa famille. Ça veut dire quoi? Les savants, ils ont dit, c'est-à-dire en sacrifiant. C'est-à-dire, ils seraient prêts à sacrifier sa mère, son père, ses enfants, sa femme, ses parents, ses frères, ses sœurs, c'est tous, la mort, sacrifie. Et rajoute tout son argent, tous ses biens, sacrifie. juste pour voir, ne serait-ce qu'un instant, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ah, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde de dire où cet amour réel, concret, écoute bien, complet. Ah, complet. Mais attention, ça ne veut pas dire que si tu n'as pas les capacités, ça veut dire, ici, tu n'aimes pas le prophète alayhi salam. Non, les savants, ils ont dit, ah, le prophète, il a dit, inna min ashaddi ummati hubban li. Ça, c'est ceux-là qui sont vraiment au top, on va dire. Dans l'amour envers le prophète alayhi salatu wassalam. Mais une personne qui n'a pas les capacités de le faire, comme nous au jour d'aujourd'hui, de toute façon, même si on le faisait, est-ce qu'on verrait le prophète? Non. Voilà qu'ici, nous, on n'a pas les capacités. Et même si on nous disait, tu aurais vu le prophète si tu sacrifiais toute ta famille, tu viens, je peux pas. Ici, tu fais selon tes capacités. Fattakullah mastata'atum. Simplement, on aime bien mettre la barre haute quand on exhorte les gens pour espérer. Pour espérer quoi? Quand on met la barre haute. Il a compris, le minimum syndical. Tout le temps on demande beaucoup pour au moins, tu dis bah, je mets la barre haute, au moins je sais que, hein, voilà. Donc ici c'est comme quelqu'un vend quelque chose, il aime bien mettre la barre haute et après tu vois, je sais, les gens vont débattre, hein, au moins je veux ça. C'est clair, c'est toujours comme ça, c'est une règle ça, chez l'être humain. Donc ici, nous, quand on fait ad-da'wa, c'est bien de mettre la barre haute pour espérer de la communauté et de nous-mêmes, et nous les prédicateurs et celui qui transmet aussi, avoir le minimum syndical, comme vous disiez. Donc ici, c'est bien de mettre la barre haute. Et en plus de ça, ça nous pousse à faire quoi aussi? À des efforts, et nous nous rendons compte qu'on est, on est très loin. Vous vous rappelez quand on a fait l'exhortation que j'ai fait la dernière fois, qu'on va bientôt mettre sur internet, inshallah, concernant as-salaf as-salih, les pieux prédécesseurs. Quand on voit vraiment qui ils sont, est-ce que la barre elle est haute? Elle est très très haute, la barre. Donc ici, quand tu vois la barre très très haute, tu te rends compte que t'es très très bas. Et ça te pousse à progresser ou pas. Naam. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit nos références doivent être qui? C'est-à-dire as-salaf as-salih. Avant eux, al-anbiya et wal-rusul, les prophètes et les envoyés, Muhammad alayhi salam, as-sahaba. Si toujours tes références c'est eux. Les femmes, c'est eux aussi bien sûr, les prophètes, les envoyés, les femmes qui ont marqué l'histoire, Maryam, que ça soit Khadija, Aisha, etc. Ici, tu crois que si la barre, tu la mets toujours haute et tu gardes toujours ces gens-là comme référence, toujours, c'est eux tes références, فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ tu ne peux que progresser بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Mais il y a des gens, malheureusement, ils disent, oui, j'aime le prophète, c'est eux, et nos références, les compagnons, etc. Mais on entend beaucoup, oui, mais moi, tu me critiques. Bah, regarde, Mohamed, regarde qu'est-ce qu'il fait. Oui, mais moi, tu me critiques. Bah, regarde la sœur Intel, regarde qu'est-ce qu'elle fait. On a compris la chose ou pas? Vous voyez la déficience? On le dit, pourtant, on le sait. Mais quand tu vois qu'on n'a pas compris, mis en application cette chose-là, c'est quand tu vois ce qui se dit, un peu tous les jours chez les musulmans. Envor ila fulan. Il a pas dit envor ila Muhammad alayhi sallam. Envor ila Abu Bakr. Envor ila. Non, c'est toujours regarde un tel. C'est-à-dire des gens, c'est pas qui ont le même niveau. On parle même pas des prophètes. Regardez jusqu'où on a. La barre, elle était à le prophète. Non, même pas les compagnons. Même pas tabi'in. Même pas tabi'in. Même pas ici, as-salihin, les vertueux. Même pas des gens bien. Même jusqu'à ce qu'on arrive, regarde Muhammad, c'est quelqu'un qui boit de l'alcool, qui prie pas, qui voit. Ou alors regarde, Al-Qur'an Kalima, c'est une personne qui est loin, qui prie pas, qui... Donc ici, on doit garder la barre haute. Nous, quand Allah nous parle de référence, il nous dit pas, ati'u Allah, ou ati'u fulan, ou bien ton voisin, ou bien ta copine, ou bien ton copain. Ati'u Allah, ou ati'u Rasul. Wa ma atakum ar-rasul, fakhudhuh. Wa ma nahakum anhu, fantahuh. Allah Azza wa Jalla, ومن يطيع الله ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. Celui qui obéit au messager, il a obéi à Allah. Wa hakadha. فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Et c'est qui? Les califs bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Vous croyez que c'est pour décorer tous ces versets, ces hadiths? Certaines personnes, ils ne se rendent pas compte que quand Allah répète des choses, d'accord, qui vont dans le même sens, c'est pour nous montrer l'importance de la chose. D'accord? Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il répétait les choses, c'est pourquoi insister sur l'importance de la chose. Le prophète, alayhi salatu wassalam, répétait combien de fois les choses? 3 fois. Alayhi salatu wassalam. Donc c'est qu'il y a une raison. Donc quand on entend nos références, c'est Allah, le prophète, alayhi salatu wassalam, as-sahaba, as-salaf as-salih, at-tabi'in, at-tabi'in, c'est pour que tu nous dises plus, oui mais regarde un tel, oui mais regarde un tel. Ça, les regarde un tel et regarde un tel qui sont en dessous de toi, tu peux les citer quand c'est des choses. Dans des choses de quoi? Dans, lors des épreuves. Quand il y a des épreuves, oui. Envolo ila man huwa asfala minkum. Quand il y a des épreuves, je suis malade. Regarde un tel, il a plus de jambes. J'ai des problèmes, t'as des petits problèmes. Regarde un tel. ici qui se fait opprimer de jour comme de nuit. J'ai ceci, regarde, là oui, et là ça va te apaiser ton cœur. Mais les choses religieuses, regarde au-dessus de toi. Et mets la barre haute. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, As-Sahaba, c'était des êtres humains, ya Abdallah. D'accord? Donc on dit, ici, cela sont nos références. Non? Juste au sujet de ceux qui, en général, quand on leur parle de... Ils disent, oui, moi j'étais comme ça avant, maintenant je suis mieux. Ils passent prendre la référence, leur passé, ça va, je viens de loin. Non, ça c'est... Il n'y a pas de mal. Mais il vient de dire, bah, maintenant je suis bien. Non, pas je suis bien, je suis mieux, c'est clair. Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah. Ici la bonne action et la mauvaise action, est-ce qu'elles sont comparables? Le jour et la nuit c'est comparable? Le bien et le mal c'est comparable? Il y a des différences claires. Donc ici le fait d'être dans une situation où tu priais pas, tu buvais de l'alcool, tu côtoyais des filles, et aujourd'hui tu pries, tu bois pas d'alcool, est-ce que tu es mieux? Oui, mais de dire alhamdulillah bi fadlillah azza wa jalla, Allah m'a guidé. Car c'est pas moi qui a acheté cette guidée-là, mais c'est Allah Azza wa Jalla qui m'a guidé. Alhamdulillah, je suis dans une meilleure situation. Il n'y a pas de mal. Mais de dire, maintenant, moi, je suis bien, je suis au top. Maintenant, je suis vous au paradis. Moi, maintenant, j'ai plus rien à craindre. Non, ça, c'est un excès. Comparé à avant, je suis bien, comparé à avant. Bien sûr. Alhamdulillah. Ça dépend ce que t'étais avant. Si une personne, parce qu'il, il était vraiment, il ne priait pas, il était loin de la religion, il buvait, il, on va dire, entre guillemets, il était musulman que, voilà, avec le prénom, voilà, comme certains le font, et du jour au lendemain, alhamdoulilah, il prie, s'investit, il y a une différence claire. Donc à ce moment-là, de dire, alhamdoulilah, je suis dans une meilleure situation qu'avant, ça c'est clair, bien sûr. Après, bien sûr, les paroles qui viennent des gens présomptueux, abus de leur personne, ils sont clairs, ça se voit, ça se ressent, et les gens n'aiment pas ça. D'accord? Donc il y a des fois où, ici, tu as le droit. D'accord? Pour montrer ta position, ou montrer la position d'un tel, tu as le droit. Il y a des cas, mais ça reste des exceptions. Comme l'a fait, par exemple, Omar ibn al-Khattab, avec qui? Vous connaissez l'histoire avec Surat, Ida ja'a nasrullahi wal fath. Abdullah ibn Abbas. Pourquoi il a fait avec Abdullah ibn Abbas? Parce qu'ils ont vu qu'il était, jeune. Et ici, Omar ibn al-Khattab, est-ce qu'il a voulu montrer le niveau de Abdullah ibn Abbas? Il a glorifié Abdullah ibn Abbas. Pourquoi? Parce que les gens se posaient des questions. Et ils s'étonnaient et ils trouvaient pas ça normal que, ici, il mettait priorité Abdullah ibn Abbas. Et quand il leur a interrogé ou les a interrogés sur la surat, Ida ja'a nasrullahi wal fath, le seul qui a répondu comme il se doit, c'était qui? Donc ici, la preuve que quelquefois, pour montrer qu'un tel est meilleur que l'autre, le glorifier, ou alors montrer en disant, moi je suis mieux qu'un tel, ou quand il y a des moments où il faut le faire, il n'y a pas de mal, comme disent les gens de science. D'accord? Mais ça c'est des exceptions, et ça ce n'est pas n'importe qui le fait à n'importe quel moment. Voilà qu'une de façon générale, une personne ne doit pas être ici, moi je. Car Allah Azza wa Jalla dit, inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin al-mukhtal, le présomptueux, celui qui se prend pour le centre du monde, et qui lui pense qu'il est meilleur que tout le monde, wal'iyadu billah. Et Al-Fakhour, ici c'est celui qui agit avec orgueil envers les gens. Al-Ulama, je vous dis celui qui agit avec orgueil, d'accord, envers les gens. Al-Fakhour, donc il extériorise ici, quelque part, ce qu'il pense en lui-même. Il prétend être meilleur que les gens, et ensuite il l'extériorise, et il s'enorgueillit ici devant les gens, il agit avec orgueil devant les gens, et il se sent supérieur envers les gens, et ici il va faire quoi à ce moment-là? Il va mépriser les gens. Et le prophète Hassan, quand il a décrit l'orgueil, il a dit c'est quoi? Batarul haq wa ghamtul nas. C'est le fait de ne pas accepter la vérité, de mépriser les gens. Et Allah, il déteste ces gens-là. Et il nous rappelle que si tu veux être parmi ces gens-là, eh ben, détends-toi. D'accord? Détends ton visage des gens et marche avec arrogance. Parce qu'Allah, il montre, regarde, il dit, wala tusa'ir khaddaka lin nas. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ. Regarde, comme s'il parle de eux, c'est cela les présomptueux, imbus de leur personne, et ici qui s'enflent d'orgueil devant les gens, وَلْعِيَدُ بِاللَّهِ. Donc regarde comment ils se comportent quand ils parlent avec les gens et quand ils marchent, et ça c'est deux signes clairs qui te permettent de différencier entre le modeste aimé par Allah Azza wa Jal et ici le présomptueux, l'arrogant, détesté par Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah il a dit إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Et ensuite Allah il reparle encore de la démarche. Regardez l'importance de la façon de marcher. Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي. Première fois. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Ensuite Allah il dit encore وَقَصِّدْ فِي مَشْيِكَ. D'accord? Il dit ensuite, sois modeste dans ta démarche. Et là, c'est là, comme vous citez tout à l'heure, les savants, ils nous qualifient les dots, ils disent, c'est le fait de le marcher ni trop vite et ni trop doucement. D'accord? Parce que quelquefois, le fait de marcher doucement, est-ce que dans cette démarche, on peut un peu s'enfler d'orgueil ou pas? Naam, le fait de marcher doucement, comme ça, on peut. Regardez, subhanallah, ulama. Et marcher trop vite aussi, quelquefois, ça dépend de la façon. Il peut y avoir des moments où tu as besoin de marcher vite, des moments où tu as besoin de marcher doucement. Mais nous parlons toujours de façon générale, on ne parle pas d'exception là. D'accord? Faut faire attention aux exceptions. C'est bien de connaître les exceptions dans l'islam. D'accord? Ou quelquefois les cas isolés, ou les cas où il y a une nécessité, où il y a un besoin de faire telle chose ou telle chose, de dire telle chose ou telle chose. D'accord? Et on ne fait pas de certains cas isolés, de certaines exceptions, une généralité dans l'islam. Comme le prophète alayhi salam, on sait que quelquefois il avait les paroles dur, comme il dit Cheikh Al-Albani, rahmahullah ta'ala, quand il dit à Mu'ad, quand il parle à des compagnons, il parle avec des paroles dures. Cheikh Al-Albani dit, c'est des paroles dures ou pas? Oui. Mais est-ce que le prophète était une personne dure? Non. C'est une personne douce. Fabima rahmati min Allah, il est talahum. Ou alors, kunta, Allah, il a dit, si tu avais été rude au cœur dur, il se serait enfui de toi. Mais, c'est la preuve que ces paroles dures, quelque part, sont une douceur et une sagesse. D'accord? Et ça, c'est des exceptions. Donc, on peut pas dire, le prophète était dur. Non. Le prophète était doux, était sage, était compatissant. Mais quelquefois, il fallait, et c'est demandé, et ça fait partie de la sagesse du prophète alayhi salam, il parlait avec des paroles dures quelquefois. Il se mettait en colère quelquefois. Mais comment? D'une certaine manière. Quand? À un certain moment. Tout le temps? Non, c'est des exceptions. Clair? Et c'est pareil pour toute chose. Donc ici, Allah a dit, waqsid fi mashyik. Donc, marche avec modestie. At-tawadu'. Ici, avec modestie. Waghdud min sawtik. Naam. Et ici, il dit de baisser le son. Prends ce verset coranique, Younes, arabe français. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car le plus détesté des voix, c'est bien la voix des âmes. Naam. Donc, quand Allah Azza wa Jal, il nous ordonne de marcher, ou il nous parle de la marche plutôt, il nous dit de marcher avec modestie. On voit encore le caractère modeste. Donc souvent on voit la modestie qui revient. Quand tu dis bon comportement, tu dis quelque part modestie. Quand tu enlèves la modestie d'une personne, on ne peut pas dire qu'il a un bon comportement. C'est pas possible. Car la modestie, quelque part, c'est un pilier énorme du bon comportement. Quand il n'y a pas de modestie, ici, il ne reste que très peu du bon comportement. D'accord? Et la personne modeste, c'est la personne qui est modeste quand il est en contact direct avec les gens. Si tu veux le reconnaître, Fawarab bil Ka'ba n'est pas sur une table pendant qu'il donne un cours. Ou sur un mimbar. Si tu veux voir vraiment, ce n'est pas comme ça. Tu vas avoir des signes de modestie. Non, mais si tu veux voir vraiment, pourquoi? Regardez quand Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, il avait parlé de la personne, où il voulait se renseigner sur une personne. Une autre personne est arrivée, elle a dit, moi je le connais. Et Umar il lui a dit, est-ce que tu as voyager avec lui. Est-ce que tu as commercé avec lui? Tu as du commerce avec lui? Est-ce que vraiment il a eu un contact direct? Ah, il l'a côtoyé. Il est resté avec lui. Bien plus que cela. Ah, le voyage, c'est très bien que le voyage, c'est un moment où t'es fatigué, etc. T'as besoin de rentrer, etc. Plus t'es fatigué, plus la personne, elle est désagréable, elle se met plus facilement en colère, etc. Donc, et ici, dans le commerce. Ah, l'argent, Allah al-Musta'an. Très bien que l'argent, hein, c'est le nerf de la guerre. Et ici, le prophète Aïssam, il a parlé de cette fille-là qui craignait énormément et le plus pour sa communauté, c'était quoi? Elle met l'argent. Il a dit, c'est la fille-là que je crains le plus pour ma communauté, l'argent. Et ici, donc, Omar ibn al-Khattab, il a voulu voir si la personne le connaissait vraiment à travers ses contacts. C'est là où tu vas voir vraiment qui est la personne. C'est pas quand la personne va te parler deux fois, ou une fois, ou trois fois, ou elle va parler sur un mimbar, même si c'est un savant, ou c'est un imam, ou c'est un prêcheur, ou alors sur une table. Non, non, non, c'est quand vraiment, non seulement tu le connais, tu as parlé avec lui plus loin que là, plus loin que ça. Tu as voyagé avec lui plus loin que ça. Tu as fait du commerce avec lui. Tout ce qui est éprouvant et dur à supporter pour l'âme, et particulièrement un nafsu, la ammaratum bissou, l'âme incitatrice au mal. Tout ce que l'âme aime, l'argent, le confort, etc. Ah, elle va être mise à l'épreuve. À ce moment-là, tu vas voir la personne sincère et véridique. Et pareil, c'est pour ça que nous disons, sur une table, sur un mimbar, on peut vous faire un cours de tawadu, moi le premier. On peut vous faire un cours de sur le mode, la modestie. Kana Rasulullah sallam kada yaqulu kada wa kana hakada, il était comme cela, il disait cela, et sortir des hadiths, des ayat, des af'al sahaba radiyallahu anhu wa ardam, etc. Même la personne, les personnes vont peut-être pleurer. C'est vrai ou pas? Mais est-ce que ça nous prouve que la personne est modeste? Ce n'est pas une preuve assez solide et complète. Il va falloir le voir quand il parle avec toi, il se comporte avec toi, il marche avec toi, il mange avec toi, il te donne des conseils, il se... Là, à ce moment-là, tu vas voir s'il est modeste ou pas. D'accord? Comme il y a des personnes qui, quelquefois, tu vas les voir sur un minbar ou autre, tu vas dire, celui-là, il fait peur, plutôt qu'autre chose. Il y a des gens, c'est comme ça. Ils vont dire, ouais, il me paraît un peu dur, il me paraît un peu, voilà, je n'ose pas là. Mais quand tu vas parler avec lui, tu vas avoir une modestie, tu vas être impressionné. Wallahi, tu vas être impressionné. C'est pour ça, même les non-musulmans, ils disent ce proverbe, il faut pas se fier aux apparences. Bien, c'est des non-musulmans qui le disent. Il faut pas se fier aux apparences. Nous, en islam, on a mieux que ça, c'est, on n'a pas le droit d'avoir, su'adhan, la mauvaise opinion de son frère. Voilà qu'il y a beaucoup de gens, ils se font tromper. Ils voient des apparences. Ah, celui-là, il m'a l'air comme ça. Et souvent, ça nous arrive. C'est vrai ou pas? Tu vas voir quelqu'un, tu vas dire, moi, jamais j'aurais pensé qu'il était comme ça. En bien. Ou alors, jamais j'aurais pensé qu'il était comme ça. En mal. Ça arrive à tout le monde et ça arrive à tout le monde, ça. Donc la preuve, si vraiment tu veux connaître la personne, ce n'est pas parce qu'il donne un cours, ou il donne des conférences, ou tu le vois de loin, ou tu l'as vu faire une bonne action. C'est pour ça le prophète Ali Sassam, il dit quand vous glorifiez une personne, vous voyez des choses bien dans une personne, vous dites quoi? Qu'est-ce qu'on dit? وَنَحْسَبُهُ كَذَلِكَ وَلَا نُزَكِعْ وَاللَّهِ أَحَدًا. Ici on dit وَنَحْسَبُهُ كَذَلِكَ. D'accord? On pense cela. D'accord, de lui, on pense de lui, cela, en bien, on espère, pour dire, on n'est pas sûr. Regardez, subhanallah, on dit, on ahsabuhu kadhalik, c'est le prophète Hassan qui nous a enjoint de dire ça. Pour te rappeler, attention. Parce que plein de fois, tu vas voir une personne, tu vas dire, wallah, et celui-là, masha'Allah, c'est une crème à la chantilly, c'est un yaourt, c'est un, vous connaissez les trois, c'est du miel, c'est, voilà, et après, tu dis, ah, Rab, jamais j'aurais cru qu'il était comme ça. Donc, ici, c'est pour ça, nous disons, yon ahibbah, celui qui veut vraiment voir la personne modeste, il ne faut pas qu'il agisse avec précipitation dans les jugements. Mais il le voit à travers son comportement, il va le voir. Comment il va réagir quand il est en contact direct avec lui, etc., etc. Que ça soit une personne qui a beaucoup de science, ou une personne qui a beaucoup d'argent, ou une personne qui a beaucoup de force, ou une personne qui a une grande autorité, une personne qui a une grande famille, etc., etc. On se fait pas aux apparences. Combien de gens, wallah, ils ont beaucoup d'argent? Et on en connaît. Mais par contre, ils ont une modestie impressionnante. Et ce qui nous fait mal au cœur, attention. Moi, je dis, comme un juif va le dire, comme un chrétien va le juif va dire, les meilleurs, c'est les juifs. On est d'accord? On va pas dire, c'est les musulmans. Un chrétien, il va dire, les meilleurs, c'est les chrétiens. On est d'accord? Nous, un musulman, on va dire, les meilleurs, c'est les musulmans. Moi, je dis, les meilleurs, c'est les musulmans. D'accord? Nous, les musulmans, les meilleurs que les non-musulmans. D'accord? Ça, c'est clair. Mais ce qui fait mal au cœur, c'est qu'il y a des comportements. D'accord, j'en ai déjà parlé beaucoup par rapport au comportement. Par exemple, à titre d'exemple, on peut citer quoi dans l'organisation, dans les administrations, etc. On en a déjà parlé beaucoup. Tu vois, dans des pays musulmans quelquefois, certains pays musulmans, tu vas voir qu'il y a une désorganisation, un manque de respect énorme, que ce soit dans une administration et autres. Tu vois, dans un pays non musulman, tout le monde a le nidam, l'organisation, le bon comportement, chacun prend. Pourtant, c'est nous qui devons être comme ça, oui ou non? C'est pour ça que je dis souvent, il y a beaucoup de non-musulmans qui, sans le savoir, mettent en application beaucoup de préceptes islamiques. Le jour où beaucoup de musulmans, sans le savoir, malheureusement, ils ont délaissé beaucoup de préceptes islamiques. Clair. Pareil pour At-Tawadu. Wallah, ce qui m'a impressionné, particulièrement en France. D'accord? Je vais glorifier un peu les Français. D'accord? Mais je parle des Français non-musulmans. Ici, bien que, moi, tout être humain fait des erreurs, tout être humain a des défauts, là, je pars hors contexte de l'islam. Hein. Sur les Français qui ne sont pas musulmans ici, ils ont un comportement, en tout cas moi personnellement que j'ai vu, en général, c'est qu'ils, même quand ils ont beaucoup d'argent, le but principal pour eux, ce n'est pas de quoi ? D'extérioriser. C'est vrai ou pas ? Je me trompe ou pas ? En général. Petite voiture, etc. Ils regardent principalement ce qui va leur servir le plus, ou même des jeunes... Mais chez nous, c'est pareil. Nous, chez nous, miskin, il a rien. Il a, je sais pas quoi, juste pour réussir à quoi? À avoir rien dans le frigo, rien dans les poches, rien, juste pour sortir la grosse voiture, partir 2 semaines au Maroc, ou alors dans un pays étranger, un pays musulman, montrer, regarder, choufouni, et après revient, tlas. Et c'est rebelote, et il a plus rien. Et ça, wallah, et par expérience, on l'a vu beaucoup, malheureusement, chez beaucoup de personnes de chez nous. Et pourtant, wallah, et moi, ça c'est un avis personnel, d'après ce que j'ai vu, eh bien, je répète encore, on ne peut comparer musulmans et non-musulmans. Les musulmans, pour nous, comme les juifs et les chrétiens naturels, seront toujours, et on est meilleurs que les non-musulmans. D'accord? Ça, c'est une conviction qu'on a, wallah, alhamd, par rapport à nos préceptes et nos convictions religieuses. Mais, ayol ahibba, je dis, dans certains comportements comme là, ça m'attriste. Wallah, il y a beaucoup de gens. Et nous, on en a parlé. J'en ai parlé avec des gens qui avaient beaucoup d'argent, des chefs d'entreprise, des gens vraiment placés et autres, des Français non musulmans. Par contre, ils parlent avec toi normal, modestie. Même dans sa façon de s'habiller, modeste. Ils te donnent du temps. Normal, adé. Nous, souvent, malheureusement, sans généraliser, mais on retrouve beaucoup de gens. Wallah, il a juste un petit rang social élevé. Un salaire un peu plus au-dessus que des autres salaires, et tu le vois quand il te parle, Allahu musta'an. Et ça nous attriste, ayyuhal ahibba, il faut garder les pieds sur terre. Allah nous interdit, écoutez bien, de marcher sur la terre avec arrogance le jour où il y a beaucoup d'entre nous qui marchons dans les airs avec arrogance. Wallah, on marche même plus sur la terre. C'est dans les airs, on marche avec arrogance. C'est pour ça qu'on dit déjà, première étape, remettre les pieds sur terre. Ça a été sur la terre, khlas. Arrête de voler. Après, khlas, deuxième étape, wala tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wa qassid fi mashyik waghdud. Walakin nous déjà malheureusement, je ne fais pas une généralité, mais beaucoup d'entre nous malheureusement, les asaf, et je parle sûrement pour moi le premier, on n'a même pas encore mis les pieds sur terre. On marche déjà dans les airs. Donc étape par étape, on remet les pieds sur terre. On sait très bien qu'Allah Azza wa Jalla a dit tu ne pourras jamais fendre la terre ni atteindre les montagnes. Allah déteste ces gens-là. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ceux qui agissent avec orgueil en face des gens. Et ensuite, Allah, il répète, marche modestement. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de quoi? Tu as parlé du verset coranique en français aussi, hein? Waqsid fi mashyik, waghdud min sawtik. C'est-à-dire, baisse ta voix. C'est-à-dire, ne lève pas ta voix comme on dit les gens de science. Et parmi Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, la tarfa' sawtak. Ne lève pas ta voix, sauf quand il y a une. Ah, vous avez, on a parlé des exceptions tout à l'heure. Comme, sur le minbar, le prophète alayhi sallam, il levait sa voix, il devenait rouge, on voyait même une veine du prophète alayhi sallam sortir. Et les sahaba, ils disaient, ici c'est comme s'ils nous mettaient en garde contre une armée qui allait venir. Ah, sur le minbar, d'accord, هذا من حكمة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يرفع صوته الإمام. D'accord, l'imam, il lui est demandé de lever le son pour pas endormir les gens, surtout pendant Al-Jumu'ah. D'accord? Pendant Al-Jumu'ah. Donc là, il y a des exceptions. Le prophète Hassan, ça arrivait même Sahaba de lever le ton. Il y a des exceptions. Mais en général, non. C'était pour ça, les savants, ils ont dit, sans aucune raison, ici, ne lève pas le ton. Ne crie pas. Allah, il déteste ça. Bien plus que cela, Al-Ulama, ils ont dit, c'est haram. Pourquoi? Car Allah, Azza wa Jal, a comparé celui qui lève le ton à un animal. Pas n'importe quel animal, à qui? À l'âne. Et regardez les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi l'âne? Ici, ils ont donné des explications. Et on va donner des explications plus un hadith dans le Bukhari. Ici, non seulement l'âne, comme vous le savez ici, et ce qui est connu, c'est les animaux qui sont connus pourquoi? Pour? Mais ils sont connus pourquoi? Ils sont connus pour être têtus. Pour être bêtes. Oh, j'ai un. Ils ont dit tout sauf ça. Si je te dis salane, c'est une qualité. Khalas. Regardez, subhanallah. Salane, c'est considéré comme une insulte. Même chez les non-musulmans. Allah, il en parle dans le Coran. Excuse-moi du terme, hein. Chien. Chien. C'est une insulte, c'est considéré chez les non-musulmans. Nous, en islam, le chien, ça. Hein, on a une bonne image du chien en islam ou pas? Ou alors on s'est parlé négativement. Donc qu'on nous donne pas des leçons de morale, hein, en nous disant, regardez, ils aiment pas les chiens, ils veulent, donc ça veut dire ils veulent tuer les chiens. Non, une prostituée rentre au paradis par la cause de quoi? Un chien. Elle l'a abreuvé, pas avec, ici elle agit avec compassion, avec miséricorde. Par son action, Allah Azza wa Jal, il lui a pardonné ses péchés. Khlas. Donc ici, mais le chien, on sait, voilà, comme quoi c'est une bête, c'est un animal qui est impur. Donc ici, il y a le chien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le porc. Le porc. quoi le porc? Sale porc, on dit ça. Excuse-moi, c'est pas une insulte, hein, au point de vue du vocabulaire. C'est pas une insulte, hein, mais pour les non-musulmans, c'est une insulte. Sale, donc c'est pas une insulte. Porc, c'est pas une insulte, hein. Sale porc. Donc c'est pas mais c'est considéré comme une insulte. D'accord? Pourtant, le porc, non, en islam, c'est, regardez, porcherie. C'est ça? Porcherie. Donc, regardez, subhanallah, tous les animaux qui sont considérés chez les non-musulmans comme étant une insulte, c'est dû à quoi? Pourquoi ils considèrent ça comme, parce que c'est rabaissant. D'accord? D'affilier quelque part l'être humain à qui on parle à ces animaux-là. Pourquoi? Parce que le porc, ah, ils savent qu'il y a? Ah, sale. Porc, sale. Chien? Pourquoi? Sale aussi. De toute façon, même eux, ils le savent. C'est sale. D'accord? Donc ici, quand on voit par exemple, on a dit quoi? Là, stupide, bête, etc. Donc ici, regardez. Ça, c'est des choses qui, quand Allah subhanahu wa ta'ala les cite dans le Coran ou le prophète dans la Sunna, ou alors il a fait où il dit qu'une personne, s'il fait telle action, il ressemble à ces animaux-là, c'est pour montrer que l'action est blâmable, est détestable, et quelquefois haram. D'accord? Et quelquefois, Allah, il considère certaines personnes à des bêtes. D'accord? Déjà, la bête ou les bestiaux de façon générale, pour rabaisser ces personnes-là qui font ces actions-là. Pourquoi? Parce que la bête, elle n'a pas sa raison. D'accord? Comme Allah Azza wa Jalla parle des insouciants. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. Ceux-là, ils sont comme des bestiaux. D'accord? بلهم أضل. Pire encore. أولئك هم الغافلون. Ce sont les insouciants. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a traité les insouciants, il les a comparés à des pires que des bestiaux, parce que les bestiaux, ils n'ont pas la raison. Donc, c'est pour rabaisser. Donc, ici, Allah, il considère celui qui crie comme un âne, pour rabaisser la personne. Donc, vous voyez, même les non-musulmans, ils utilisent ces bêtes-là pour rabaisser parce qu'ils voient qu'il y a une déficience, quelque chose de mal, de mauvais dans ces bêtes. Et ces bêtes, nous, en islam, on n'apprécie pas de les manger, on n'agrée pas de les manger. La législation nous interdit de les garder avec nous, ou alors de certaines bêtes, ça dépend, comme le chien, etc. Donc vous voyez, la preuve que l'islam, c'est quelque chose de propre, clair, et on voit que ce n'est pas, ça ne peut venir que d'un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, ayyuhal ahibba, on voit qu'Allah azza wa jalla a comparé celui qui osse son ton, qui crie, que ce soit l'homme ou la femme, et qui a l'habitude de crier, il l'a comparé à un âne, wal'iyadu billah. Et dans le Bukhari wa Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous rappelle qu'il y a des animaux qui, au contraire, quand on les entend, ou bien quand on les voit, yani, ils apportent une source, d'accord, de bien. À titre d'exemple, le coq. Le prophète alayhi salatu wassalam dans Sahihain, il dit, quand vous entendez le chant du coq, demandez à Allah de ça, min fadlihi, de sa grâce, car il a vu un ange. Car il a vu un ange. Et ici, quand vous entendez un âne, donc je pense que c'est comme ça qu'on dit braille. C'est pas braille, braille, hein. Braille. Donc ici, cherchez protection auprès d'Allah Azza wa Jal. Ici, car il a vu un diable, shaytan. Donc il y a des lames. Et ici, on se connaît sa stupidité, etc. Et quand il braille, c'est parce qu'il a vu quelque chose de mauvais, un shaytan. Et Allah Azza wa Jal, il montre que la personne ressemble à cette âme qui crie quand il voit un diable. Donc quand tu cries, ou quand toi, ma soeur, tu cries, quelque part, n'oublie pas que tu es ou tu ressembles à un âne, wal'iyadu billah, qui braille, et quand il braille, il voit un diable. Donc si tu ne veux pas ressembler à un âne, ne crie pas. Et on voit très bien que même dans l'éducation des enfants, on retrouve jamais ce phénomène, ou ces recommandations plutôt, qui sont « osse le ton et crie ». D'accord? On avait parlé de la frappe. D'accord? Il y avait frappé, la frappe d'éducation, « at-ta'dib », il y a la frappe, il y a « at-ta'dib » pour châtier. Nous, quand on parle de frappe d'éducation, d'accord, c'est une frappe d'éducation, c'est douceur. C'est, par exemple, taper comme ça doucement sur la main, c'est pas avec violence, laisser des marques, ça, c'est interdit. Mais on voit que ça est ce phénomène. Mais crier, non. La preuve que quoi? Il n'y a pas d'intérêt de crier. Et il n'y a pas de fruits ici qui vont venir après avoir crié. Tu vas pas récolter des choses bonnes si tu prends l'habitude de crier, que ça soit sur ton épouse ou l'épouse sur son mari ou les parents sur les enfants. Non, non, sinon le prophète l'aurait cité. Bien au contraire, quand Allah il parle de hausser le ton, il dit que c'est quoi? C'est la voix la plus détestée, c'est la voix des ânes. Donc il la compare à quoi? À Alan wa l'iyadu billah. Il nous montre que c'est interdit, c'est pas bien de crier. Donc la preuve que ceux qui disent « Oui mais j'ai pas le choix là, il faut crier », non, ce n'est pas une solution. Tu penses que c'est une solution, mais tant qu'Allah et le prophète ne l'ont pas cité, ce n'est pas une solution. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le résultat. C'est pas ce que tu es en train d'utiliser maintenant. C'est le résultat. Donc ici, cherche à satisfaire Allah et le prophète et utiliser les causes divines et prophétiques. Il n'y a pas de crier dans l'islam. Oui, hausser le ton, on l'a dit dans certains cas, sur le mimbar, hausser le ton, quelquefois. Mais là, je parle de crier. Ou bien, la personne va dire, oui, mais non, parce que là, il y a une raison. Et du matin au soir, quand il parle, il crie. Il y a un problème quelque part. Parce qu'on avait dit que ça, c'était des exceptions. Voilà. Donc là, t'as rendu ces exceptions de généralité. Donc quand quelqu'un rentre chez lui, et qui du matin au soir, il crie, il y a un problème ou pas quelque part? Il y a un problème. Et ça, c'est la mauvaise solution. Donc il faut revenir prendre le problème à la base, et chercher vraiment la cause du fait que tu cries, et tu dois arrêter de crier. Ça, c'est quelque chose de néfaste. Pour l'éducation des enfants, parce que les enfants, ils ne cessent de reproduire ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Donc ici, ils vont crier après, pour un rien. Ça va les exciter. Et ici, l'homme va prendre l'habitude de crier. La femme va prendre l'habitude de crier. Et ça, c'est un... Il y a des gens qui nous disent, et on a eu plein d'emails sur ça et des appels téléphoniques. Oui, mais maintenant, j'ai pris trop l'habitude, comment faire? On n'a rien sans rien, subhanallah. Les gens, ils croient qu'on va claquer des doigts. Ça y est, je vais être comme ça. Et là, ici, maintenant, c'est un combat. On n'a pas le choix. Tu dois faire un coup. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut pas rêver. Les gens, ils pensent qu'il y a des solutions. Il y a des thérapies. On peut donner des recommandations divines, prophétiques, etc. Mais, tant que tu n'as pas pris en considération que sans faire un effort considérable, il n'y aura pas de résultat, vrai, tu ne pourras pas avancer. Tu fais un effort sur toi. Tu dois faire une rééducation sur toi, une rééducation et un effort sur toi-même de jour comme de nuit. En utilisant bien sûr l'invocation, demander à Allah, assiste-moi, aide-moi, et en faisant du'a pour qu'Allah t'assiste, voilà, tu dois faire un effort, d'accord, d'éviter de crier. Et ici, les gens aussi, pourquoi ils ont pris l'habitude de crier, c'est parce que non seulement quand ils parlent, ils prennent l'habitude de parler fort, ils se rendent même plus compte, quand ils mettent la télé, ils ont pris l'habitude de mettre la télé fort, quand ils écoutent quelque chose, ils ont pris l'habitude d'écouter quelque chose fort, quand ils ont, donc tout est fort, donc pour eux ça devient naturel. Il faut prendre l'habitude d'éduquer même les enfants. Quand ils écoutent la télé, ils regardent la télé ou quelque chose de bénéfique pour eux à la télé, de baisser le son. Quand ils écoutent quelque chose, de baisser le son. Quand ils parlent. Parce qu'il y a des gens, je ne rends même pas compte. Hein, même surtout dans les couples, quelquefois. Ils vont parler. Et Allah, surtout, hein, vous connaissez, hein, quoi, je veux dire les Arabes. Je viens de vous dire que je suis raciste. Vous savez très bien comment ils sont certains, malheureusement. Certains chez nous. Vous allez quelquefois, Allah, dans des centres commerciaux ou dans des marchés. Quand il y a personne de chez nous, malheureusement, je veux pas encore attaquer, hein. Les musulmans sont meilleurs que les, parce qu'il y a certains jours, regardez, qu'on parlait, musulmans meilleurs que les non-musulmans pour nous. Khalas, comme le juif va dire, comme le chrétien. Mais vous allez dans certains marchés. Il n'y a pas de, d'arabes ou de trucs, wallah, tu veux rien entendre. Et quand tu rentres dans certains marchés, Allah Moustaka, wallah, on dirait la guerre. Même il y a des gens qui pensent, hein, même des non-musulmans, wallah, on a déjà eu des réflexions. Ils se battent, ou ils se disputent, ou il y a quelque chose, ou, alors rien, ils parlent. Doucement, va à côté de lui, il est à côté de toi, 50 cm, 1 mètre, même 1 mètre, tu crois quoi, il va pas t'entendre. Les gens, ils sont en train de crier, parle doucement. Et wallah, et même des frères, quand ils rentrent dans des centres commerciaux, quand ils parlent entre eux, ils se rendent pas compte. Ouais, mon frère, ouais. Et quand tu dis, mon frère, rends-toi compte, regarde, ils tournent, ils se rendent compte qu'en fait, il vit avec des gens. Wallah, ils se rendent compte, ah ouais, wallah, subhanallah. Et ils baissent le son, ils voient qu'en fait, en fin de compte, tout le monde parle doucement. Et ça arrive beaucoup chez nous, et ça, c'est un problème. Pourtant, nous, on a ces versets coraniques, kalamullah. Il est ici, voir que cette fille, wardud min sawtik. Regarde, Allah, il le dit. Et on vit avec ces versets coraniques. Ils ont même pas tout ça. Mais pourtant, dans leur habitude, dans leur mœurs, c'est quelque chose de naturel. Tabi'i chez eux. Ils ont grandi comme ça dans le calme. Ça, ils ont grandi dans le calme. D'accord? Et c'est pour ça que, on a besoin quelquefois de calme et des moyens qui nous poussent à être calme. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo la dernière fois sur rencontre avec la nature et sur la réalité. Ça, c'est une recommandation pour moi aussi. C'est vrai que quand, vous savez très bien, le prophète Rassim, il a dit, il n'y a pas un berger qui n'a pas été, un prophète qui n'a pas été berger. Ils ont tous été bergers, ils ont dit, même toi, il a dit, moi, j'ai gardé des bêtes pour les relâcher pour quelques dirhams. Et ici, les savants ont tiré beaucoup de profit parmi ça, c'est que c'est vrai que tu es en contact beaucoup avec la nature, il suffit d'aller 5 minutes en contact avec la nature, comment tu te sens? Je dis, subhanallah, apaisé. Alors imagine-toi, du matin au soir, tu es en contact avec la nature, c'est-à-dire tu es un berger. Un jour, deux jours, un mois, trois mois, six mois, un an, deux ans, comment va être ton comportement? Mais nous, on est toujours en contact avec quoi? La vie, speed, crier, l'électronique, parler, commerce, à droite, à... C'est pour ça qu'on a toujours ce phénomène, on est toujours excité, on est toujours... Et c'est ça qui nous pousse beaucoup à parler fort, etc. Tandis que le fait d'être, de prendre des moments où tu es en contact avec la nature, ou bien même, à l'aql, nous disons, même à tes enfants, même à toi, même la femme, quand elle est chez elle, quelquefois regarder des reportages, d'accord, bénéfiques sur la nature, sur les océans, sur les poissons, sur des choses qui parlent de la nature, ça va te, ah, ça va te faire quelque part évader. Et ça, tu vois, ça rentre dans At-Tafakkur, fi ayat Allah azza wa jalla, dans les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est demandé en islam. Inna fi khalqi as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahari la ayat li uli al-albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal-ard. Allah, il parle de cela, des intelligents, il dit, ah, il médite quant à la création des cieux et de la terre, et ça les pousse à dire quoi? Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina 'adhaban nar. Ya Allah, tu n'as pas créé ça en vain. Gloire à toi. On cherche refuge auprès de toi contre le feu de l'enfer. C'est quoi At-Tafakkur qui les a poussés à dire ça? Donc ici, At-Tafakkur, c'est quelque chose de demandé. Donc regarde quelquefois des émissions. Ici, bien sûr, sans musique, etc., etc. Ici, vous connaissez. Ici, les règles à respecter. Mais ici, alhamdoulilah, qui vont te pousser quelquefois à rester, à méditer et à t'assagir un peu. On a beaucoup besoin de douceur. Jusqu'à ce que le prophète Hassan, il a dit, Tazawwajul Wadud al-Walud. Et dès quand il parle de la famille, il dit, prenez pour épouse des femmes al-wadoud, al-walud. Donc al-walud, la femme féconde, et al-wadoud, c'est la femme qui est quoi? Affectueuse, qui est douce. Et ça nous dit, c'est la femme calme. Regardez, subhanallah, et ici Khadija radiallahu anha, quand dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète alayhi sallam, il a dit à Khadija, Jibril est venu voir le prophète alayhi sallam, il a dit à Khadija qui vient avec un récipient de boisson ou de nourriture. Quand elle vient, faqra alayha salam min rabbiha azza wa jal, passe-lui le salam de la part de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, wa minni de Jibril alayhi salam, wa bashirha, et annonce-lui la bonne nouvelle d'une demeure au paradis faite de pierres précieuses, la sahaba fiha wa la nasab, ici n'y a ni bruit ni fatigue. Les savants, ils ont dit pourquoi le prophète alayhi salam, il était cité dans ce hadith-là, de la part de Jibril alayhi salam, cette bonne annonce qui est ni bruit ni fatigue, car elle n'a jamais fait goûter à quoi? Au prophète alayhi salatu wassalam, là, la fatigue et le bruit. Elle a toujours été un repos. Ici, une source de quiétude pour le prophète alayhi salatu wassalam, sa récompense. Ici, un palais au paradis d'une demeure faite de pierres précieuses, et où il y a les cités, c'est précisé, où il n'y aura ni bruit, ni fatigue. Al-jaza'u min jinsil amal. Radiyallahu anhu wa arda. La douceur est demandée dans toute chose. C'est pour ça, dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète Hassan a dit le hadith très connu, il n'y a pas une chose qui est accompagnée de douceur sans qu'elle soit embellie. Et il n'y a pas une chose qui est accompagnée de dureté sans qu'elle soit illachala, sans qu'elle soit enlaidie. Donc la douceur, c'est demandé dans toute chose. Et on pourrait parler des heures et des heures de la douceur, de Anlin, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla, quand il envoie des grands prédicateurs qui sont Moussa alayhi salam et Harun, à celui qui a dit, Ala rabbukum al-a'la, qui a opprimé, qui a tué, qui a... Allah lui a dit, faqulanahu qawlan layyin, a dit des paroles douces. La douceur, on la retrouve partout. La preuve que crier, c'est pas une solution. Et ça n'a jamais été une solution. Donc ici, il faut réinstaller, faire un effort sur soi-même, sur ses enfants, sur son épouse, sur ses frères, sur ses parents, pour être doux et calme. Quelquefois, il y a des exceptions, il faut. D'accord? Et celui qui a al-hikmah, la sagesse, il saura placer chaque chose à sa place. Quand faut hausser le ton, quand faut pas hausser le ton. Et ici, il y a des gens qui sont arrivés à un stade où même dans les demeures d'Allah Azza wa Jalla, les mosquées, ils crient. C'est pas pour faire un cours ou une frontale. Non. Ils crient, ils se disputent, ils parlent fort, ils... Et ça, c'est pas bon, jusqu'à ce que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ils ont dit, si vous voyez quelqu'un dans la mosquée, en train d'osser le son, yarfa sawta ou biqira atil Qur'an fa akhrijou, avec la lecture du Coran. Alhamdulillahi rabbil alameen, kalamullah. Alors pourtant, les mosquées ont été construites pour quoi? Pour la lecture du Coran aussi. Walakin, s'il perturbe, shawish ala al-akharin, il perturbe les autres, là, à ce moment-là, il n'a pas le droit. Et si vous le voyez faire ça, l'imam Malik dit, sortez-le de la mosquée. Regardez, subhanallah. Ça, c'est avec quoi? Biqira atil Qur'an. فَمَا ظَنُّكَ بِاللَّغْوِ. Que dire des futilités? Donc ici, il faut s'habituer à être modeste et à être doux. À laquelle la Hisham? 45. Ces derniers jours. 48. Masha'Allah. On termine les 5 dernières minutes. Je vous cite un peu quelques... Parce que là, on a terminé bi'idhillah azza wa jal. La page de Surat Luqman, qu'on a appris par cœur avec les frères. Donc ici, comme on avait dit, on prend à chaque fois une page du Coran. Et ici, on l'apprend par cœur avec les frères, bien sûr, avec la règle de Tajwid et ce qui s'ensuit. Et ensuite, en parallèle, c'est sur cette page-là que je donne les cours. Comme ça, le but, c'est quoi? C'est que tu apprennes le Coran al-Karim, tu l'as pris par cœur, donc tu l'as récité, donc tu l'as lu, et tu l'as étudié. Donc tu pourras le méditer. Et c'est ce qu'on recommande à tous les frères et sœurs, c'est-à-dire d'apprendre par cœur, mais avec une étude de ces textes, ici, coraniques, et c'est ce qu'on fait, donc on a fini cette page. Et juste pour vous rappeler que, ici, Sourate Al-Rahman, et particulièrement cette page qu'on a apprise ou qu'on a étudiée aussi, ici, elle tourne beaucoup autour de quoi? Husnul Khuluq, le bon comportement, Al-Akhlaq, la moralité, avec Allah, avec les gens, d'accord? Et ici, on voit ici, lors de ces derniers versets coraniques, Al-Tawadu, qui fait partie du bon comportement, la modestie dans sa façon de parler, parce que le fait de parler doucement, c'est une preuve de modestie. Le fait de parler sans crier, c'est une preuve de modestie. Sauf quand, parce que ça veut dire lui, alors il fait tout l'inverse. Non, on a dit quand c'était des cours, quand c'était une exhortation, quand c'était des khutbah, là, pour ça, à ce moment-là, il faut réveiller les cœurs, c'est autorisé, car le prophète, alayhi sallam, on a vu qu'il l'a fait, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. D'accord? Voilà qu'il ici, c'est un message à ceux qui s'enflent d'orgueil, qui sont arrogants, imbus de leur propre personne. Nous leur disons, Allah aime les modestes. Allah aime aussi les gens faibles. Allah aime aussi les gens pauvres, mais bien sûr qui sont musulmans, pieux, vertueux. La preuve de cela, il y a l'hidda. Ici, on a beaucoup de textes prophétiques, et parmi ces textes prophétiques, il y a le hadith selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, dans le Sahihain, où le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, on ramènera le jour de la résurrection, Rajulun Samin al-Azim, Yawm al-Qiyamah, la yazinu indallahi janaha ba'unda. La preuve que ce n'est pas le physique qui est le plus important, mais c'est la richesse de l'âme, comme le prophète a dit dans un hadith. Ici, le vrai riche n'est pas celui qui est riche d'argent, de biens, mais le riche de l'âme. Et ici, le prophète a dit dans Sahihain, au jour de la résurrection, on ramènera l'homme qui est corpulent, robuste, pour être pesé, et ne pèsera pas au regard d'Allah le poids de l'aile d'un moustique. Cheikh Al-Uthaymeen rahmoullah ta'ala, il nous rappelle que ça, ici, où il nous rappelle ici que c'est un message et plutôt une mise en garde contre ceux qui se préoccupent plus du bien-être de leur corps et sur le fait d'avoir un corps robuste que sur leur piété et leur bon comportement. Cheikh Al-Uthaymeen rahmoullah ta'ala, il dit ça, c'est une mise en garde de la part du prophète alayhi salatu wassalam et de la part d'Allah azza wa jalla à ceux qui se préoccupent plus de leur physique et de leur bien-être que de leur bon comportement. D'accord? Car Allah azza wa jalla rappelle que celui-là qui peut-être s'enfle d'orgueil et qui cherche à faire plaisir plus à son physique qu'à son cœur, au jour de la résurrection, il pèsera pas l'aile d'un moustique. Et le prophète alayhi salam dit dans Sahih Muslim, Allah m'a inspiré ce commandement, soyez modeste. Ça, c'est le prophète qui dit, Allah m'a inspiré ce commandement, soyez modeste. C'est le prophète qui le dit. Et regardez jusqu'à ce qu'il dit le prophète Hassan, soyez modeste jusqu'à ce que nul ne se vante de sa supériorité sur son prochain et que nul n'agresse son prochain. La preuve que si tu n'es pas modeste, tu vas te vanter ici de ta supériorité devant ton prochain et peut-être tu vas même l'agresser. Et là, le prophète dit, soyez modeste jusqu'à ce que nul, d'accord, ne se vante de sa supériorité sur son prochain et nul n'agresse ici son prochain. Et ici, dans un dernier hadith que je vous cite, rapporté par Abu Dawud et d'autres, selon Abu Darda, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et ça, ça nous montre ici, le fait qu'Allah aime les gens faibles. D'accord? Et il donne beaucoup d'importance aux gens faibles qui, quelquefois, nous, on les met de côté. On leur donne pas importance. Adam da'if, Adam skin, il ne sait pas, il ne connaît pas, il n'est pas connu, il est. Regardez le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? J'ai entendu Abu Darda, j'ai entendu le message d'Allah alayhi salam dire, recherchez ma bénédiction, al-baraka. Recherchez ma bénédiction en faisant du bien, al-khayr, à vos faibles. Regardez, subhanallah, à vos faibles, car Allah azza wa jalla ne vous donne son soutien et votre subsistance que par la cause de vos faibles. Allah azza wa jalla donne le soutien et al-risq, la subsistance par la cause des faibles. Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, il dit quoi? Il dit plus, et dans un autre hadith, et le prophète alayhi salatu wassalam, toujours en parlant des faibles, dit Allah il secourt sa religion par le faible d'entre vous. Allah il va secourir sa religion. Pourtant quand on dit secourir, il faut de la force. Par le faible d'entre vous. Comment ça? Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, il dit, ça c'est des preuves que c'est pas le faible lui-même qui va secourir directement, parce qu'il est faible. Mais plus vous, vous allez aider le faible et soutenir le faible, et par cette cause-là et cette bonne action envers le faible, Allah Azza wa Jal va vous soutenir et vous donner votre subsistance. Donc plus tu vas aider le faible, et plus tu vas soutenir le faible, et plus Allah va te nourrir, va te donner ta subsistance et va te soutenir. Donc si on veut la réussite ici pour la communauté, il faut aider et soutenir qui ? Les faibles. Donc la preuve que la réussite et la victoire se trouvent auprès de qui ? Auprès des faibles. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.